paralysé, moi pas ça camper, moi pas ça marcher, quelle infimité. Aïe, que de moments, moi arrêter de songer, d'autres mon temps passé, c'est ton vigueté. Après ça me trouver, réviser de nos coins, c'est tout mon prochain qu'a plongé la mer. Moi senti faiblesse, parce que pas nourri, la faible tuée, aïe quelle maladie. La nuit sans sommeil m'a fixé le ciel, m'a demandé bon Dieu pour agir votre fiel. Moi pas que parents, non plus sans amis, tout ça sans souffrance, bon Dieu qu'elle m'a dit. À la destin, pour un jeune garçon, cap m'en de secours, non qu'à dévotion. Moi paralysie, moi pas à marcher, moi pas à camper, quelle infimité. Sans maman, moi sans papa, moi sans secours à la tracade. Moi sans maman, moi sans papa, moi sans secours à la tracade. Ma pote quoi ma belle. Mon Dieu, quel désavantage. M'aller l'hôpital, mes amis. M'a cherché la vie, mes amis. Docteur refusé, mes amis. Pas paralysie, mes amis. Aïe, fait qui me casse, mes amis. Moi sorti tombé, mes amis. Moi râlé roulé, mes amis. Quel est Yeah.